Bonsoir à toutes et à tous. C'est Michel. Donc, pour l'émission, la parole est à vous avec aujourd'hui donc un magazine santé. Un magazine consommateur. Mais on va parler beaucoup de santé. Alors, avec bien sûr le magazine Que choisir de l'Union fédérale des consommateurs, mais également quelques articles que j'ai pu glaner ici et là sur les problèmes en particulier de santé. Voilà, alors tout d'abord, Que choisir proteste. Il y a des arnaques sur Internet. Fausse caution de Que choisir. Quels sont les points communs entre un dispositif anti-ronflement, un thé vert, aux bénéfices prouvés pour la santé cardiovasculaire, la mémoire, l'arthrose et la perte de poids, fin de citation, un patch antidouleur et un appareil anti-rides efficace en 60 secondes. Le premier, c'est qu'ils peuvent intéresser de nombreux consommateurs. Le marché potentiel est donc considérable. Et le second, c'est qu'ils font tous les quatre l'objet d'une arnaque assez osée qui a sévi sur Internet ces derniers temps. Pour vanter les mérites de ces produits, les escrocs arguent qu'il aurait été distingué comme meilleur choix lors de tests de Que choisir. Bien sûr, ces tests sont imaginaires, comme les éloges décernés sur les plateaux télévisés ou les journaux. Les études menées à l'université de Harvard, États-Unis, ou encore la recommandation de la Fédération française de cardiologie. Et comme le sont aussi les témoignages de Brad Pitt, Jessica Alba et Ben Affleck. Je suppose que c'est cette prononciation, je ne connais pas cet acteur. Ou encore les avis des trois médecins en blouse blanche et des clients moyens dont les photos ont en réalité été récupérées n'importe où sur la toile. Les arnaqueurs qui opèrent depuis l'étranger. Selon les pages, on trouve des adresses au Brésil, en Estonie ou à Hong Kong, sont impossibles à stopper. Et comme le filon a l'air de fonctionner, on peut supposer qu'ils ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Quelques réflexes permettent cependant d'éviter les mauvaises surprises. Les promesses trop alléchantes sont forcément suspectes. En cas d'allusion à un test de Que choisir, assurez-vous sur notre site quechoisir.org qu'il existe bien. Enfin, vérifiez dans les mentions légales que le site possède une adresse en France et un numéro de téléphone où il sera facilement joignable. Voilà, l'arnaque sur Internet, ça devient quand même une réelle préoccupation pour tout et même dans le domaine de la consommation de produits et des fausses informations concernant leurs vertus thérapeutiques. Voilà, et puis alors une grande victoire pour les Vosgiens, pour Vosges Nature Environnement, et puis pour les associations qui se sont jointes, c'est par rapport aux eaux de Vittel. Il faut couper le robinet. Après 4 ans de lutte, c'est une victoire pour le collectif Eau 88, dont fait partie l'UFC Que choisir des Vosges, qui lutte pour préserver la nappe phréatique du sud-ouest des Vosges, menacée par la surexploitation des industriels. Et en premier lieu, Nestlé Waters, la nappe perdait chaque année près d'un million de mètres cubes d'eau, au point que soit envisagé d'abreuver les communes locales via un transfert d'eau potable par aqueduc, afin d'épargner les quotas d'eau des entreprises, Nestlé et la fromagerie L'Ermitage. Un projet ubuesque poussé par une commission locale de l'eau, dont l'impartialité vis-à-vis du gérant de l'embouteillage a été remise en cause par des soupçons de conflit d'intérêts pesant sur son bureau. Suite à la mobilisation des associations, l'État a repris la main et enterre le projet d'aqueduc. Il appelle les industriels à baisser leurs prélèvements et bloque toute nouvelle autorisation de pompage afin que la nappe puisse se reconstituer. Alors, c'est vrai que c'est un réel problème. Est-ce que véritablement ces mesures seront suivies d'effet et qu'un groupe comme Nestlé Waters, qui possède les eaux minérales de Vittel et de Contrex en particulier, jouera le jeu dans l'avenir, c'est plus que douteux. C'est plus que douteux, les consommateurs, enfin les écologistes en particulier, et pourront faire obstacle donc à ces prétentions de Nestlé Water, en sachant bien que puiser trop dans la nappe phréatique des Trias, comme il faut l'appeler, donc risque de faire remonter de l'eau contenant de l'arsenic. De l'arsenic naturel, certes, mais de l'arsenic quand même. Voilà, alors, j'ai parlé au début, j'ai eu un lapsus regrettable au début de parler de santé, mais là que choisir en parle encore sur les secours d'urgence. Les délais sont parfois préoccupants. Les pompiers sont sous haute tension. Ils alertent notamment sur le nombre d'interventions qui augmentent et les effectifs qui ne suivent pas. Là encore, on voit qu'il n'y a pas que les urgences, il y a aussi le problème, bien sûr, du transport des accidentés et des malades. Les statistiques de 2018 relatives aux délais d'intervention des pompiers, de la prise d'appel jusqu'à l'arrivée sur les lieux, ont été épluchées par Que Choisir. Ces données ont été collectées auprès des départements par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. La DGSCGC, elle constitue un indicateur de qualité essentiel. En cas d'urgence vitale, chaque minute perdue amoindrit les chances de survie, augmente les risques de séquelles. Côté incendie, un fameux dicton dit « À la première minute, le feu s'éteint avec un verre d'eau. À la deuxième, avec un seau. À la troisième, avec une citerne. » Par rapport à notre enquête, dit Que Choisir, sur le sujet publié en juin 2017, et basé sur des données de 2015, le délai moyen pour un incendie reste de 20 minutes. Il augmente pour les secours à personne et les accidents de la route, 14 minutes contre 13 minutes. Alors, il y a des départements. Alors, bien sûr, c'est très inégal sur le territoire, puisqu'il y a des départements dans le rouge, dit Que Choisir. La situation se détériore dans certains endroits. Sur les 71 départements étudiés, les autres ont fourni des données incomplètes ou ne les ont pas transmises. Et comparé à notre précédente étude, les délais d'intervention pour un feu augmentent dans 37 d'entre eux. Pour les secours à personne, accident, le temps d'arrivée grimpe dans 31 départements. Certains voient néanmoins leur délai baisser. 21 pour les feux et 15 pour les secours à personne. Mais on voit quand même que le négatif l'emporte de loin sur le positif, à l'échelon de la France, bien entendu. Demeurer stable dans toujours 15 départements. Quelle qu'il soit, la situation est très différente selon le lieu où l'on se trouve. Il y a des tableaux, de Que Choisir. Hein, je vous renvoie à votre magazine consumériste du mois de décembre. Pour se présenter sur un incendie, les pompiers arrivent en 32 minutes en Ariège. Il y a le relief, bien sûr, il y a la neige, il y a tout ça. Et en 12 minutes dans le Puy-de-Dôme, les Yvelines ou le Val-d'Oise. Pour les secours à personne, accident, les écarts sont plus élevés. 21 minutes dans l'Aude, mais 11 minutes dans l'Aisne ou le Rhône. Bien sûr, la configuration géographique et la densité d'habitants peuvent justifier des délais importants. Toutefois, ce n'est pas systématique. Dans un département rural ou montagneux, les temps d'intervention ne seront pas forcément les plus longs. Alors, je ne sais pas ce qu'il en a exactement pour les Vosges, puisque notre département n'est pas cité par Que Choisir. En sachant bien que les départements voisins, comme le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le territoire de Belfort, sont bien classés pour les délais d'intervention. L'allongement des délais constatés, c'est toujours Que Choisir auquel je fais référence, et ne s'explique pas par des interventions qui ne cessent de progresser année après année, une toutes les 7 secondes en France, des effectifs en baisse, La clé de voûte du système repose sur les pompiers volontaires, moins disponibles et plus difficiles à recruter. Ou un système qui peine à se réorganiser. Les secours à personne sont partagés entre pompiers et SAMU. Autant de points qui nécessitent une intervention urgente des pouvoirs publics. Bon, on en est loin, hein, quand on sait aussi les personnes qui attendent sur un brancard aux urgences aujourd'hui, hein, parce qu'ils ne suivent pas encore d'acheminer des patients, des accidentés, des malades vers les hôpitaux. Encore faut-il que les hôpitaux soient en mesure de prendre en charge leurs problèmes. Alors, puisqu'on est toujours dans le domaine de la santé, de la médecine, les liaisons dangereuses. Médecins et labos, sans cadeau, c'est mieux. Les généralistes qui préservent leur indépendance vis-à-vis des groupes pharmaceutiques prescrivent moins et mieux. C'est la conclusion d'une étude sur l'influence des laboratoires parue début novembre dans le British Medical Journal. Sans qu'un lien de cause à effet puisse être affirmé. Alors, c'est une pratique, bien sûr, qui coûte cher à la Sécu. Réalisée en France par des chercheurs et ingénieurs de la faculté de médecine de Rennes, elle classe plus de 41 000 généralistes libéraux selon le montant des cadeaux qu'ils ont reçus des firmes en 2016 et met en regard leur pratique de prescription. Deux bases de données ont fourni les chiffres nécessaires à la comparaison. Le site Transparence Santé répertorie depuis 2013 les financements apportés chaque année par l'industrie, notamment aux professionnels de santé. Le système national des données de santé, géré par l'assurance maladie, rassemble toutes les informations sur les soins et les remboursements. Résultat, les généralistes qui n'entretiennent aucun lien financier avec les labos ont des habitudes plus vertueuses que ceux qui acceptent des invitations au restaurant, des subventions pour leur équipement ou la prise en charge de leurs frais de déplacement ou d'hébergement pour des congrès. Ils rédigent des ordonnances moins coûteuses pour l'assurance maladie, donnent plus de génériques, prescrivent moins volontiers des benzodiazépines. Des benzodiazépines, hein, toujours un peu de mal de prononcer, hein, c'est des anxiolytiques, calmants et somnifères, et des vasodilatateurs au long cours. À efficacité similaire, ils leur préfèrent des antihypertenseurs moins onéreux. Le docteur Bruno Goupil, un des auteurs de l'étude généraliste, commente. Je cite, « Il semble peu probable que l'argent dépensé par l'industrie pharmaceutique pour la promotion des médicaments le soit à perte. » On pourrait mettre 3 points d'exclamation au bout de cette déclaration. En sachant que la base Transparence Santé est accessible à l'adresse suivante, transparencesante.gouv.fr. Une version plus lisible est proposée par le collectif Euro4Doc. Euro4Doc.fr, donc d'un seul mot, .fr. Alors, un petit coup de patte en passant à Servier. Servier n'a pas de complexe. 53 millions d'euros pour les académies, sociétés savantes et sociétés de conseil. 25 millions pour les professionnels de santé. 17 millions pour les médias. Malgré le scandale Mediator, les laboratoires Servier et leur filiale, Biogarant, ont continué d'arroser le monde médical de 2012 à 2018. C'est ce que révèle la revue médicale Prescrire. Le procès Mediator, où Servier doit se défendre d'avoir vendu comme antidiabétique un nanorexigène, se tient à Paris jusqu'en avril prochain. Ben voilà, on retrouve toujours ce copinage entre la médecine et les labos. Alors, c'est quand même, on peut espérer quand même que il y a un contre-pouvoir qui se mette en place avec des sites comme celui que je viens de citer. Il n'empêche quand même que le plan santé 2022, qui privilégie surtout, bien sûr, une privatisation hein, de la santé, c'est préoccupant parce que, bien sûr, les médecins libéraux, les cliniques privées sont aussi indirectement, bien sûr, parce que ça ne peut pas être directement, subventionnés par ces laboratoires pharmaceutiques qui poussent à la consommation de médicaments. Et à leur effet iatrogène, hein, puisque certains ont dit que 20% des maladies avaient une origine iatrogène, c'est-à-dire provenant des effets secondaires des médicaments. Voilà, alors comme... on va changer de sujet, mais c'est toujours quand même un sujet qui confine à la santé. Les étiquetages, le logo tricolore pour le foie gras. Pas français, mon foie gras. Eh oui, c'est possible, même aux pays emblématiques de ces spécialités. Car 10% des foies de canard et 2/3 des foies d'oie travaillées dans l'Hexagone proviennent de Hongrie et de Bulgarie. Et deux autres principaux producteurs mondiaux de ces derniers denrées. C'est donc les deux autres producteurs derrière la France. Ces pays ont profité de l'abattage massif de volailles françaises lors des épisodes de grippe aviaire de 2015 à 2016 pour chipper des marchés à l'export. Afin d'y remédier, l'interprofession vient de lancer un logo pour chacune de ses spécialités, foie gras de France, magret de France et confit de France, arborant deux petites silhouettes dorées d'oie et de canard sur fond de carte de France tricolore. Tous trois recouvrent les mêmes conditions, animaux nés, élevés, engraissés et abattus en France, pour y transformer en France. Cette marque complète les signes officiels de qualité d'IGP, des canards à foie gras, du Sud-Ouest et le label rouge. Voilà, la France fournit en moyenne 80% de la production mondiale. C'est assez énorme. Alors, attaquer le foie gras français, c'est bien sûr très mal vu des producteurs. Et on peut les comprendre. Alors, on va parler des envois postaux. Eh ben, on s'écrit de moins en moins, hein, même si... On doit en parler justement à la veille des fêtes et des vœux que l'on peut s'écrire. Moins de 10 milliards de plis, lettres, cartes envoyées par voie postale l'an dernier. On est passé pour la première fois sous cette barre symbolique, selon le traditionnel bilan dressé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'ARCEP, ça existe. Cette 11e baisse consécutive atteint un niveau historique, moins 8,8% par rapport à l'année précédente. Pour la Poste, la distribution du courrier devient dès lors de moins en moins rentable. Cela lui permet de justifier les fortes augmentations du prix du timbre. Côté colis, hors express, en revanche, la croissance se poursuit. Les différents opérateurs autorisés, la Poste, mais également diverses sociétés privées, ont ainsi convoyé près de 560 millions de colis, plus 10,2%, une hausse portée par ceux contenant des petits objets, notamment sous l'effet de la progression des paquets importés en provenance d'Asie. C'est ce que note l'ARCEP. Bon, c'est pas trop rassurant pour la production française, mais bien évident que le pouvoir d'achat, il est ce qu'il est, hein, des ménages, et donc une volonté de commander par correspondance des produits qui viennent d'Asie. Voilà, en particulier d'Asie. Alors, puisqu'on parlait de santé tout à l'heure, parlons des pesticides domestiques. Alors, que choisir dit une utilisation trop massive. Après avoir enquêté auprès de quelques 1500 ménages français, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, dresse un constat édifiant. Trois foyers sur quatre utilisent des pesticides comme s'il s'agissait de produits anodins. Ainsi, 84% d'entre eux recourent à des insecticides ou encore à des produits vétérinaires destinés à lutter contre les puces et les tiques du chien ou du chat. Selon l'étude PestiHome, publiée récemment. Autre renseignement, l'attention portée aux précautions d'emploi est très insuffisante. Environ 33% des foyers se servent des anti-acariens ou des anti-rongeurs sans les consulter. Et 25% ne les lisent jamais lorsqu'ils font usage d'un insecticide. Que choisir le soulignait dans une enquête consacrée aux produits à bannir absolument dans nos logements. Je reprends ce que disait Que choisir. On s'inquiète beaucoup plus des pesticides des agricoles que des pesticides domestiques, alors que ce sont surtout ces derniers qui contaminent nos logements au quotidien. Il s'agit des mêmes molécules, dont certaines sont même interdites en usage agricole. Mais si de nombreux Français sont peu méfiants, c'est que ces produits perdent leur appellation de phytosanitaires dès qu'ils sont destinés au grand public. On parle de biocides pour l'entretien de la maison, d'antiparasitaires ou de médicaments vétérinaires pour le chien et le chat. Leur intitulé ont de quoi faire disparaître toute notion de dangerosité. Les familles qui possèdent un jardin, un animal domestique, ainsi que ceux qui achètent des biocides, sont le plus exposés. Eh bien voilà de quoi quand même se préoccuper de cette utilisation beaucoup trop massive des pesticides domestiques. Parce que, et à juste raison, on peut s'émouvoir par rapport aux pesticides qui sont dans la nature, y compris dans les nappes phréatiques, dans notre alimentation, mais il faut aussi et surtout ne pas oublier les pesticides domestiques, qui soient utilisés massivement, hein, surtout pour lutter contre les moustiques, des mouches ou autres. Voilà. Et puis bien sûr, par rapport aux puces et aux tiques des animaux. Alors, que dire encore ? Eh bien, on va changer totalement de secteur. On va parler des transports aériens. Les passagers seront mieux protégés. Qui dit que choisir ? En cas d'annulation de vol ou de retard à l'arrivée supérieur à 3 heures, les voyageurs peuvent prétendre à une indemnisation forfaitaire de 250 à 600 euros. Ce remboursement prévu par le règlement européen numéro 261/2004 a été renforcé par plusieurs décisions. L'une d'elles concerne le délai pour agir. Le texte ne l'indique pas. La Cour de cassation a confirmé en octobre dernier qu'il est de 5 ans. Air France reprochait au tribunal d'instance de Tannes, dans le Haut-Rhin, d'avoir déclaré recevable les demandes d'indemnisation de passagers de deux avions retardés, formulés 2 ans et demi et 4 ans après la date de départ. Pour l'entreprise, le délai de prescription est de 2 ans. Pour le TI, le tribunal d'instance, de 5 ans, la Cour de cassation a donné raison au juge dans 2 arrêts. Le premier apporte une information complémentaire. Un ajout d'escale ne vaut pas annulation d'un vol. Afin d'obtenir une compensation, il faut déposer sa réclamation en expliquant que celui-ci a été retardé. L'autre décision récente émane de la Cour de justice de l'Union européenne. Ordonnance du 24 octobre 2009. Les voyageurs n'ont plus à justifier qu'ils soient montés à bord de l'appareil pour être indemnisés. Jusqu'à présent, les compagnies aériennes, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, exigeaient quelquefois qu'ils joignent à leur dossier la carte d'embarquement délivrée à l'aéroport, afin de prouver qu'ils s'y étaient bien rendus. Or, aujourd'hui, l'enregistrement s'effectue de plus en plus souvent en ligne, et cette preuve de présence effective n'existe parfois pas. Face à ces changements technologiques, la Cour de justice européenne considère que les passagers disposant d'une réservation confirmée n'ont pas à prouver qu'ils ont embarqué. C'est désormais aux transporteurs de démontrer le contraire s'ils refusent de les indemniser. Voilà, on va poursuivre. Tout à l'heure, on va s'accorder quand même une pause musicale. Alors, les rénovations énergétiques. Alors là, c'est de plus que jamais en cours d'actualité, parce que vous recevez certainement au domicile des coups de téléphone. Et il y a des fraudeurs dans le viseur. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'attaque enfin aux escroqueries à grande échelle et aux pratiques commerciales trompeuses qui sévissent dans le domaine des travaux d'isolation, de la pose des panneaux solaires, de l'installation de chaudières et de pompes à chaleur et l'isolation des combles à 1 euro. Elle a effectué 469 contrôles, notamment auprès de structures mobiles et éphémères, comptant parfois dans leurs effectifs plus de commerciaux que d'ouvriers. Ces pratiques déloyales et trompeuses qui portent préjudice aux ménages concernent plus de la moitié des entreprises inspectées. C'est énorme, hein, méfiance absolue. Face à cet état des lieux, la DGCCRF crée de nouvelles procédures. Plusieurs régions ont mis en œuvre la saisie pénale sur des biens de gérants de sociétés peu scrupuleuses, comme dans les Hauts-de-France et en Auvergne, Rhône-Alpes, pour des montants pouvant atteindre plus de 1 million d'euros, précise-t-elle, avant d'annoncer un renforcement des contrôles. Il y a en effet urgence, les consommateurs ne sachant plus à qui s'adresser pour éviter de se faire arnaquer, comme l'illustre le nombre de témoignages adressés à que choisir. Alors ne répondez pas, j'en sais quelque chose personnellement, pour avoir écarté des... ne pas répondre à des communications téléphoniques de commerciaux qui sont quelquefois dans des plateformes téléphoniques au Maroc ou ailleurs, c'est purement et simplement de l'arnaque la plupart du temps parce que ces travaux d'isolation, par exemple, sont très mal faits. C'est très mal fait, on ne sait jamais quelle entreprise intervient, etc. Quel pédigré de ces entreprises on peut consulter. Voilà, on va s'accorder une pause musicale, hein, avec la chanson fétiche du magazine Corso, hein, Pierre Perret. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre, cette jolie terre que nos pères, nos grands-pères avaient su préserver durant des millénaires. Les rivières écument, les usines fument, les moutons mangent leur papa changé en granulé. Les déchets ultimes, la vache folle en prime, sont un petit cadeau du ciel de nos industriels. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces prostitutes qui bousillent la terre. De Brest aux Maldives vont à la dérive des poubelles radioactives jusqu'au fond des lagunes. Et même sans tapage, des maires de village en enterrent dans leur commune pour faire entrer des thunes. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces prostitutes qui bousillent la terre. Les blés, les patates sont bourrés de nitrates. On shoot aussi bien les veaux que les champions au niveau. On se fait les tartines au beurre de dioxine. En voiture, on a le point vert pour doser nos cancers. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces profils qui bousillent la terre. Sous la couche d'ozone, l'oxyde de carbone d'une forêt si précieuse autant que les tronçonneuses. L'air pur s'amenuise, nos sources s'épuisent, mais colorants, salmonellose nous font la vie en rose. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces profils qui bousillent la terre. Pour qu'il n'y ait pas de panique, leur poison transgénique, ils les nomment science de la vie ou biotechnologie. Leurs gènes font la nique aux antibiotiques. Pour guérir nos infections, faudra de l'inspiration. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces profits qui bousillent la terre. Tous les ans, bonhomme, 7 milliards de tonnes de gaz mortel CO2 s'envolent dans les cieux. L'effet de serre menace, ça fait fondre les glaces. La mer monte, c'est sans danger, il n'y aura qu'à éponger. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces profits qui bousillent la terre. Il y a ceux qui chantent la chanson du profit contre tous ceux qui aiment la chanson de la vie. Eh bien voilà, la chanson de la vie de Pierre Perret. Alors, oui, je disais, la chanson de Pierre Perret est toujours d'actualité quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur notre planète. Et puis même si le poulet aux hormones est interdit en France, il n'empêche que l'usage des antibiotiques devrait être beaucoup mieux contrôlé avant que ceux-ci ne deviennent inopérants pour soigner des affections humaines. Que dire encore ? Que l'hypocrisie de nos dirigeants qui parlent d'environnement et puis qui n'hésitent pas à signer des traités comme celui du CETA en particulier, ou celui qui nous lierait à l'Amérique du Sud également. Voilà ce qu'il fallait quand même dire, parce que je crois qu'il y a... Il y a quand même un hiatus complet entre ce que voudraient les consommateurs, ce que voudraient les citoyens, et puis ce que fait nos gouvernants. Donc, appel à témoignage complémentaire santé. Alors, c'est intéressant cet appel à témoignage c'est un appel à témoignage, bien sûr, de l'UFC Que Choisir. Pour une enquête... le mensuel, pour une enquête sur l'évolution des tarifs des complémentaires santé. Nous souhaitons recueillir des appels de cotisation ou avis d'échéance pour l'année 2020, ainsi que ceux de 2019 pour comparaison, quel que soit le changement de prix que vous constatez. Merci de nous poster vos documents à l'adresse suivante, Christelle Leduc. Christelle, c'est le prénom, le Duc, comme ça se prononce. UFC Que Choisir, 233 boulevard Voltaire, 75011 Paris. Vous pouvez aussi les scanner, les envoyer par email à cleduc, c'est un seul mot, @quechoisir.org. L'utilisation de ces données respectera bien sûr votre anonymat. Voilà, je pense quand même que du côté des complémentaires santé, on s'attend à des augmentations particulièrement importantes dans les années qui viennent, déjà pour 2020, puisque bien sûr l'opération promue par le gouvernement actuel du reste à charge zéro, ce qui est une bonne chose, repose uniquement sur les complémentaires santé, il faut le dire. Et ces complémentaires santé qui se voient, dans l'obligation de faire face à ces nouvelles charges, sont obligatoirement dans l'augmentation des cotisations. Parce que, bien sûr, autrement, c'est le déficit qui guette. Je crois que c'est absolument inévitable, alors que ça aurait dû être pris dans un cadre d'une solidarité beaucoup plus large par le budget de la sécurité sociale, quitte à augmenter les cotisations de sécurité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on assiste quand même à un phénomène qui est celui des contrats-groupes, des contrats-groupes qui ne rapportent rien aux complémentaires santé, qui se rabattent pour les augmentations sur les individuels, sur ceux qui sont obligés d'adhérer individuellement, en particulier les retraités. avec des augmentations de cotisations et puis bien sûr des prélèvements qui sont quand même énormes, qui constituent quelquefois 10%, 10% du revenu des retraités. Voilà, donc cet appel à témoignage est intéressant quand même parce qu'on s'apercevra forcément que les complémentaires santé augmentent leurs tarifs. Hein, sauf peut-être dans les contrats-groupes, mais dans les contrats-groupes, ben, bien sûr, c'est la concurrence qui joue, mais la concurrence se fait au détriment des isolés. Alors, j'ai bien aimé le billet d'Alain Bazot, « Tant que choisir », qui parle de patriotisme, un appel déplacé. Alors que dit Alain Bazot ? Il faut une sacrée dose de culot au ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, pour appeler les consommateurs à faire preuve de patriotisme économique quand ils remplissent leur caddie. Son injonction à acheter français repose sur la nécessité de mieux rémunérer les agriculteurs. La loi alimentation, qui a imposé une hausse des prix dans les grandes surfaces, aurait-elle échoué à se traduire par une augmentation des prix agricoles ? Sans remettre au bon vouloir de la distribution et des industriels, n'était qu'un pari fou que nous avons dénoncé. Et voilà que le gouvernement en lance un second. Or, encourager à acheter français est un non-sens quand la traçabilité de l'ingrédient principal fait encore défaut. Dans le miel, par exemple, et que les emballages sont truffés de signes équivoques, drapeau tricolore, mention fabriquée en France, alors que les composants viennent d'ailleurs. Enfin, même si on ne consommait que français au supermarché, rien ne garantit que cela rémunérerait mieux l'agriculture, l'agriculteur. La preuve avec les tarifs en dessous des prix de revient que la distribution et les intermédiaires continuent d'imposer à nos producteurs de lait, de viande, de fruits et légumes. Le gouvernement ferait donc bien de prendre ses responsabilités plutôt que de responsabiliser le consommateur, tant que ce dernier n'est pas en mesure de faire ses courses de manière éclairée, avec l'assurance de servir effectivement les intérêts qu'il promeut. Monsieur le ministre, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Voilà, c'est le billet de plutôt le billet d'humeur d'Alain Bazot de Que choisir, hein. Il est l'actuel président de l'UFC. Voilà, oui, alors justement, puisque je cite ce billet d'humeur d'Alain Bazot, les agriculteurs et l'alimentation, les Français restent sur leur faim. Votée il y a un an, la loi Egalim doit permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail et favoriser une alimentation saine et durable. Résultat, une hausse des prix pour les clients, pas pour les producteurs. Voilà, je ne vais pas commenter, hein, je vous renvoie à la lecture de Que choisir du mois de décembre, mais c'est un texte particulièrement intéressant qui démontre bien que la loi Egalim n'a pas résolu les problèmes des agriculteurs, loin s'en faut. Par contre, il semblerait que ça a profité beaucoup plus aux grandes surfaces. Ouais, parce que relever le seuil de vente à perte crée de l'inflation. L'inflation qui est au détriment du consommateur et ne profite pas aux producteurs. Voilà, alors je voudrais parler quand même, c'est intéressant, et là c'est un article de Libération, journal Libération, qui dit « La prévention boit la tasse ». Associations et professionnels de l'addictologie ont exprimé leur déception après le refus de l'exécutif, jeudi, de soutenir l'opération incitant à réduire sa consommation d'alcool. Or, il s'avère que 92% des Français souhaitent une meilleure prévention de l'alcoolisme chez les jeunes. Hein, parce que là, je crois que la défense du samedi soir à l'alcool, c'est un phénomène très répandu chez les jeunes en particulier, même chez les ados. Alors, Bien sûr, je ne vais pas citer in extenso l'article de Libération, mais c'est quand même intéressant d'en parler parce que il y a une reculade dénoncée par les acteurs de santé publique, mais saluée bien sûr par la filière viticole. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Hein. Et Nathalie Latour, déléguée générale de la Fédération Addiction, dit que les propos n'ont jamais été d'interdire l'alcool et qu'il n'y ait plus une seule bouteille dans les, qu'il y ait plus une seule bouteille dans les rayons. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de faire prendre conscience aux Français quand même des addictions hein, dans un pays où on boit quand même beaucoup d'alcool, en particulier du vin et de la bière. Hein, et puis surtout, favoriser la prévention auprès des jeunes. Hein, il n'y a pas qu'un problème de route, de volant. Il y a aussi un problème de l'alcoolisme de tous les jours. Et quand le président de la République démontre qu'on peut boire du vin midi et soir, ça semble quand même un mauvais exemple pour la population. Hein, il ne faut pas prêcher la suppression totale. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas forcément une bonne chose hein, avec son cortège de frustration. Mais faire preuve de laxisme par rapport à l'alcool et puis ne pas favoriser les campagnes de prévention par rapport à l'addiction, c'est absolument... quelque chose de contre-productif. Voilà, on va peut-être s'accorder une pause musicale, justement, qui serait en rapport avec l'addiction. Hein, tout le monde a en mémoire le sketch de Bourvil concernant les addictions. L'addiction à l'alcool. Et puis, je voudrais, avant que cette pause musicale soit prête, parler quand même qu'il y a, c'est Libération qui le note, 44%, c'est la part des médecins traitants qui refusent de nouveaux patients. Selon une enquête publiée jeudi par l'UFC Que Choisir, dit Libération, pour 74% d'entre eux, cela est dû à une patientèle déjà trop importante. Alors, que dire par rapport à ça hein, on est en plein dans nos vallées, dans les spectatives. Hein, c'est vrai que le nombre de médecins diminue globalement. Et c'est vrai aussi que certains médecins, malgré les obligations du parcours de soins, les obligations mises à la charge des assurés sociaux par la sécurité sociale... Hein, par l'assurance maladie, d'avoir un médecin pour le parcours de soins, ben, il y a des médecins généralistes qui ne prennent plus de nouveaux patients. Alors que faire ? Que faire aujourd'hui ? Je sais que le département, quand même, a une action positive à la matière et des collectivités territoriales de même pour que des jeunes médecins s'installent. Mais est-ce que ce sera suffisant ? D'autant plus qu'à l'avenir, le plan de santé 2022 va faire reposer sur les médecins généralistes une partie des urgences, hein, en quelque sorte des urgences de manière à désengorger les urgences. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment de médecins, encore faut-il qu'il y ait suffisamment de moyens. Et puis, est-ce vraiment la solution aujourd'hui de faire reposer sur la médecine généraliste, donc y compris des soins d'urgence. Voilà, on va s'accorder bientôt une pause musicale. C'est pas tout à fait prêt. On va parler de cinéma conso responsable, innover pour sensibiliser. Tous les ans, les associations locales proposent de que choisir des animations dédiées au printemps des consommateurs. Orchestrée par l'UFC Que Choisir en 2019, la consommation responsable était à l'honneur. Outre des stands d'information, des ateliers et des pique-niques géants, une opération nationale a donné le coup d'envoi de cette troisième édition du 11 mars au 17 mars. Alors, je ne sais pas ce qui est prévu dans les Vosges, hein, durant le Scanathon organisé en grande surface. Les bénévoles ont présenté l'ampli « Quel cosmétique ?» aux clients, scanner avec eux les produits rangés dans les rayons, de quoi offrir une belle visibilité aux 40 associations locales participantes. Ce printemps dure toute l'année. En septembre, l'association locale du Lauragais, dans le 31, a participé à la foire de Castenay-Tolosan avec gâteau et jus de pomme bio à l'appui. Voilà, je voulais faire quand même cette petite annonce qu'on soit responsable donc de que choisir. Alors, on va s'accorder une pause, non pas musicale, hein, je me suis un petit peu trempé, mais on va parler du sketch de Bourvil pour illustrer un petit peu ce que je disais par rapport aux obstacles mis à la prévention de l'alcoolisme. Monsieur le délégué de la Ligue anti-alcoolique vous parle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale. De l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et je suis fier. Je suis fier de faire à cheval sur le principe une conférence contre l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool? Dans l'eau ferrugineuse, hein? C'est parce que le fer a passé. Non, pas le fer. L'eau, disait. L'eau. C'est parce que l'eau a passé et repassé sur le fer et le fer a dissous. Il a dissous le fer. Et le fer à dissous, c'est pas cher, hein? Alors, pourquoi boire cet alcool qui, plus onéreux que l'aura fera chez une reineuse, ruine la santé et le portefeuille? L'alcool, non, mais l'eau fera chez une reineuse, oui. D'ailleurs, l'alcool brûle les tissus de l'organisme. Et vous le sentez quand vous en buvez. Ça pique. Alors que le verre solitaire... Non, pas le verre solitaire. Le fer est salutaire. Il est salutaire, le fer. D'ailleurs, ne dit-on pas une santé de fer, hein? Un homme de fer, un chemin de fer. Un mammifère. Alors suivez-moi. Et comme disait mon grand-père, mon grand-père, il faut vivre, mais il faut pas s'en faire. L'alcool, non, mais l'eau fraîche en râneux, oui. Voilà, alors parmi les dossiers de Que choisir du mois de décembre, il y a le rouge à lèvres. Alors, Que choisir dit, la plupart des produits testés obtiennent des résultats corrects. Mais une majorité comporte des ingrédients indésirables et devrait donc être réservée à un usage occasionnel. Voilà, alors, Que choisir de donner des conseils, hein. Choisir et appliquer les rouges mats sont tendance à aplatir et affiner les lèvres. Si votre bouche est peu pulpeuse, préférez un satiné, voire un gloss. Les couleurs foncées ont ce même effet. Les teintes claires conviennent donc mieux aux lèvres fines. Avec un crayon pour tracer les contours, on peut hachurer les lèvres pour une meilleure tenue. Une application au doigt donne un aspect naturel, tandis qu'un pinceau permet une plus grande précision. En l'absence d'eau dans la composition du rouge, le risque de multiplication microbienne est écarté. En revanche, si sa texture a changé sous l'effet de la chaleur, l'application et le rendu peuvent ne plus être satisfaisants. Dans le cas contraire, et sauf odeur de rance, vous pouvez garder votre tube plusieurs années. Voilà, donc... il est décelé, d'après les tests de Que choisir, y compris des huiles minérales dans les compositions, hein, des analyses qui créent la surprise. Une des différences entre les familles de rouge à lèvres est la présence annoncée d'huiles minérales, dans les conventionnelles ou non, dans les naturelles. Utilisées dans de nombreux baumes et rouges à lèvres. Ces huiles engendrent des composés potentiellement toxiques. Malgré tout, Que choisir a dit, nous avons choisi de tester des références qui en contiennent, car pour une application occasionnelle, le problème est moins crucial. L'analyse, c'est toujours Que choisir qui parle, nous a réservé deux surprises, le Chanel et le Dior, qui indiquent comporter des hydrocarbures de synthèse, proches parents des huiles minérales, ne présentent aucun composé toxique issu de ces ingrédients. Plus étonnant, deux produits, Avril et Belle à Pierre, censés ne pas en contenir, présentent des substances indésirables qui en sont issues. En attendant d'en savoir plus, nous avons, c'est toujours Que choisir qui parle, nous n'avons pas intégré ces rouges à nos tableaux résultats. Voilà. Alors, en plus de ça, de nombreux tubes affichent du dioxyde de titane, suspecté d'avoir des effets cancérogènes. Et même, paraît-il, dans les bio, d'après Que choisir. Donc, méfiance sur ces produits qui sont issus en grande partie de la chimie. Donc, un test quand même, pour ceux qui le souhaitent, pour celles plutôt qui le souhaitent, donc, de Que choisir du mois de décembre. Que dire encore pendant le temps qui nous reste ? Les tests Que choisir par rapport aux truites et saumons fumés et qui concluent un match nul entre ces deux produits, c'est-à-dire au point de vue saveur, que ce soit la truite ou du saumon fumé, on reste à peu près dans les mêmes qualités gustatives, avec bien sûr de grands écarts suivant les marques. Il y a aussi un peu une alerte Que choisir par rapport au champagne. Eh oui, champagne, hein, parce qu'on est quand même vers la fin de l'année. Donc, pour illuminer nos réveillons, dit Que choisir, Que choisir vous propose une sélection de champagne dégustée par notre jury, disponible en grande distribution en direct à la propriété. À première vue, tout va pour le mieux en champagne. Les vignerons sollicitent une vendange 2019 exceptionnelle, tant en rendement qu'en maturité des raisins. Oui, on le dit tous les ans, mais cette année est vraiment au-dessus, dit un viticulteur de la Marne. Pourtant, le début de la saison était difficile, en raison notamment de 3 épisodes caniculaires qui ont grillé 10% du potentiel des récoltes. Le temps chaud et ensoleillé d'août et de septembre, combiné à des nuits fraîches avant la vendange, a permis une belle cueillette. Il est certes un peu trop tôt pour parler de millésime, la décision devant se prendre en janvier ou février 2000. Voilà, ben, consommer avec modération hein, quand même, malgré les fêtes. Parce que là, là encore, il faut quand même faire référence aux campagnes prévention et puis faire un petit coucou en passant à Jean-Joseph Maglia, médecin addictologue qui a animé notre dernier magazine santé, voilà, auquel vous pouvez vous référer sur notre site de RGM. Que dire encore ? Ah oui, alors, puisqu'on parle de toujours santé, donc, bah oui, ce dossier de que choisir dont j'ai parlé hein, par rapport à un article du journal Libération, il y a une enquête auprès de 2770 généralistes montre que 44% d'entre eux refusent de prendre de nouveaux patients en tant que médecin traitant. Il y a aussi un dossier qui est intéressant dans Que choisir, qui parle des délits frauduleux, quand la banque ne veut pas rembourser. Hein, il parle aussi bien de la carte SIM. La justice donne souvent raison à la victime de fraude bancaire. Malheureusement, encore faut-il en arriver à saisir la justice pour donner raison aux consommateurs et donner tort aux banquiers. Voilà, on va bientôt terminer ce magazine. Il y a aussi un dossier sur la macrobiotique, de que choisir en disant, de toute façon, tous les produits hein, destinés à renforcer notre macrobiotique, je crois que c'est le nom qui est utilisé, c'est du flan, parce que de toute façon, notre organisme est capable de lutter contre les bactéries. Et puis, il y a une mise en garde, pour terminer, donc, sur les offres de chauffage en euros. Ils font flamber les prix. Et c'est démontré dans ce dossier de que choisir du dossier d'alerte de que choisir du mois de décembre. Voilà, je vous souhaite une très très belle, très très bonne soirée à toutes et à tous. Décidément, je fatigue. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, mardi prochain, à une nouvelle émission de La Parole est à vous, qui devrait être consacrée au marché de Noël à Remiremont, hein, celui des artisans et des artistes qui se tiendra à l'espace de Béchamp. Voilà, hein, d'un magasin de Béchamp. Voilà, mais on en parlera plus avec eux, certainement mardi prochain. À très bientôt, bonne fin de soirée à toutes et à tous.